فأنا بكمانسي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue notre cours dans al-mulakhas al-fiqhi, kitab al-nikah, le mariage, le chapitre du mariage, et on a commencé le chapitre sur la vie avec la vie conjugale. Le titre donc c'est fi 'ishrat an-nisa. On a expliqué certains points qui ont rapport avec cette question et on va continuer à expliquer des explications par rapport à ça. Parmi les points que le Cheikh Al-Fawzan a mentionné, il dit وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ وَطْأَ زَوْجَتِهِ حَالَ حَيْضِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Le cheikh explique qu'il est interdit pour le mari d'avoir des rapports intimes avec sa femme alors qu'elle a ses règles. Hein? Donc il ne peut pas avoir de rapport sexuel avec sa femme alors qu'elle a ses règles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, bien entendu, qu'il n'a pas le droit d'avoir de rapport dans ses parties intimes. Sinon, en dehors de ça, il peut, la prendre dans ses bras, puis il peut, par exemple, la caresser ou des choses comme ça. Il n'y a pas de mal. Mais qu'est-ce qui est interdit, c'est de faire l'acte sexuel lui-même, pendant que la femme, elle a ses règles. Aussi, parmi les choses que les ulama ils mentionnent dans ce contexte-là, c'est qu'il est interdit à l'homme d'avoir des rapports, comme par exemple de faire qu'est-ce qu'on appelle en français la sodomie. La sodomie, c'est-à-dire par l'anus. Ça, c'est interdit en islam. Hein? Et il y a même une malédiction là, à ce sujet-là, et aussi une kafara. Une expiation pour celui qui fait ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui est interdit de le faire, Et le verset qui parle à ce sujet-là, c'est le verset 222 dans sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et il t'interroge sur les menstruations des femmes. Dit, c'est un mal. Hein, c'est quelque chose qui est un adha. En arabe, on traduit par adha une nuisance, quelque chose qui est une nuisance. Alors, éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, parce que le sang qui s'écoule, c'est impur. Ce sang qui s'écoule des menstrues de la femme, c'est quelque chose d'impur. Et donc, il dit... Éloignez-vous donc des femmes. Quand on dit éloignez-vous donc des femmes, les ulama ont expliqué, ça ne veut pas dire que tu dois t'éloigner d'elles physiquement. Ça veut seulement dire que tu dois t'éloigner de l'endroit d'où sort le sang. C'est ça que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que tu dois t'abstenir ou t'éloigner d'elles de façon complète. Hein? Même une fois à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pense qu'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ses règles, c'est Aïcha radiallahu anha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée, et comme vous savez que la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam était connectée avec la mosquée par une porte, hein, et il y avait donc un rideau qui séparait la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée. Donc parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'asseyait devant la porte ou devant le rideau et Aïcha radiallahu anha elle lui parlait ou bien il lui parlait, et une fois il était assis à cet endroit et il a demandé à sa femme de lui peigner les cheveux pendant qu'il était dans la mosquée, et elle a dit oui mais j'ai mes règles, hein. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tes règles sont pas dans tes mains, hein. Il a dit tes règles ne sont pas dans tes mains, en voulant dire que c'est pas ça qui est interdit, c'est pas le toucher ou le contact physique, hein, qui est interdit par rapport à la relation entre l'homme et la femme pendant les menstrues de la femme, mais qu'est-ce qui est interdit, c'est les rapports à l'endroit, dans l'endroit où le sang sort, où le sang s'écoule. C'est ça qui est interdit. Mais sinon, en dehors de ça, c'est permis. C'est pas comme les Juifs, par exemple, qui, eux, pendant les menstrues de leurs femmes, ils doivent complètement s'écarter d'elles, puis les séparer même parfois de la maison. Et des fois, même, elles vont même passer leurs menstrues dans une autre pièce ou dans une autre maison complètement séparée. Et ils pensent que tout ce que la femme touche devient impur aussi. Donc, tout ce qu'elle touche doit être purifié. Donc, tout ça, c'est des exemples d'extrémisme et d'exagération. Tandis que dans l'islam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a permis à l'homme de continuer à avoir des contacts avec sa femme et à toujours avoir c'est-à-dire une relation normale avec elle, excepté qu'il ne va pas avoir des rapports avec elle à l'endroit où s'écoule le sang. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné dans le hadith, Aïcha radiallahu anha, elle dit, lorsque j'avais mes périodes, les périodes de menstrues, eh bien, elle dit, j'attachais un izar autour de ma taille, et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait, par la suite, il pouvait faire ce qu'il veut, entre, de la taille jusqu'en haut, ou bien en bas des genoux jusqu'en bas. C'est-à-dire que, ça, c'est pas interdit. Mais c'est la partie où le sang s'écoule qui est interdite. D'accord? Donc, ensuite, le verset dit quoi? Le verset dit, et quand elles, ne les approchez pas quand elles sont devenues pures, c'est-à-dire, une fois que leurs menstrues sont terminées, qu'elles se sont purifiées, qu'elles ont fait leur ghusl, alors, à ce moment-là, vous pouvez recommencer à avoir des rapports intimes avec elles. Quand elles se sont purifiées, alors cohabiter avec elles, c'est-à-dire vous pouvez avoir des rapports avec elles, suivant les prescriptions d'Allah, c'est-à-dire de la manière que Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné de le faire. Car Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Et le verset suivant, il dit « Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum » vos épouses sont pour vous un champ de labour, alors allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Et ça, c'est un exemple que les ulama ont mentionné justement par rapport à ce contexte-là, où ils disent que l'homme, il peut avoir des rapports avec sa femme quand il veut et dans la position qu'il veut. Peu importe de quelle position. Mais par contre, il ne doit pas le faire pendant les règles, et il ne doit pas le faire dans l'endroit où s'écoule le sang ou dans l'endroit où sort les excréments, les saletés, les impuretés. Ces deux endroits-là et ce moment-là, la partie génitale au moment où il y a les écoulements de sang et l'autre partie où sortent les excréments, ça c'est des endroits qui sont interdits. Sinon, le reste, comme on a expliqué, c'est permis. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour les musulmans de savoir. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, la haya'a fi d-din. Pas de gêne dans la religion et surtout dans l'apprentissage de qu'est-ce qui est obligatoire pour nous de connaître. Il ne faut pas se gêner dans ces choses-là. Il faut au contraire les expliquer clairement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et pour que les gens sachent. Parce qu'on sait que à notre époque, à l'époque dans laquelle on vit, toutes sortes de désordres et de corruptions sont propagées de différentes manières. Et parfois, si les jeunes ne sont pas éduqués selon les règles de la sunna par rapport à ces questions-là, eh bien, il risque d'en découler que les jeunes ont des erreurs dans la compréhension de ces questions-là, et qu'ils tombent dans des formes de chouzouz, des formes de chouzouz, comment on dit chouzouz, des façons, des, il y en a des choses qui sont pas naturelles, par rapport à ces questions-là. Ouais, mauvaises mœurs, si on veut. Ouais, des perversions. C'est ça, exactement le thème que je cherchais. Peut-être que des jeunes tombent dans certaines sortes de perversions, justement à cause de leur ignorance des règles de l'islam. Et le cheikh, il dit ensuite, « Wa lizawji ijbaru zawjatihi ala izalati wasakh » وأخذ ما تعافيه النفس من شعر يجوز أخذه وظفر، ومنعها من كل ما له رائحة كريهة لأن ذلك ينفره عنها. Il dit que l'homme il a le droit de forcer sa femme à retirer d'elle des saletés si elle est mal propre ou bien si elle ne se lave pas. Donc il a le droit de la forcer à prendre un bain ou à se laver. Si par exemple elle a sur elle des poils, ou de, qu'elle est poilue dans des endroits où c'est quelque chose qui repousse l'homme, alors il doit lui ordonner de le faire, d'enlever les poils des endroits où c'est permis de les enlever. Donc on sait que dans la sunna, il faut retirer les poils autour des parties génitales. Donc si par exemple une femme elle fait pas ça et elle laisse pousser, alors il faut lui ordonner de l'enlever, de le retirer, pour que ce soit plus propre et que ça élimine les mauvaises odeurs ou des choses comme ça. Donc tout ce qui peut ramener une mauvaise odeur, eh bien c'est bien de le retirer. Ça c'est vrai pour la femme, le mari doit lui ordonner. Et en même temps aussi l'homme il doit faire attention à sa propre personne aussi, de veiller à ce qu'il sente bon et qu'il ait une belle apparence, pour que sa femme soit elle aussi attirée, pour qu'elle ne soit pas repoussée à cause de ses mauvaises odeurs ou bien des choses comme ça. Si par exemple il a une mauvaise haleine ou il a une mauvaise odeur corporelle, c'est bon pour lui de se laver, de mettre du parfum, de prendre soin de lui pour que sa femme ne soit pas repoussée par lui. Et bien entendu par contre il faut faire attention si par exemple certaines femmes qui disent oh, moi je veux pas que mon mari laisse la barbe, c'est laid, la barbe c'est laid ou c'est mal propre ou des choses comme ça, ça on tient pas compte parce que ça c'est contraire à la sunna. La sunna pour l'homme c'est de laisser pousser la barbe et de bien s'en occuper c'est à dire de bien s'en occuper dans le sens que il va huiler sa barbe ou la parfumer ou bien il va la mettre comme il faut, donc ça c'est la sunna aussi. Il va pas la couper ou la raser pour faire plaisir à sa femme, déjà ça c'est contraire à la fitra. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha, elle lui a dit à propos de la barbe, elle a dit zinatul rijal, la beauté des hommes, la parure des hommes, c'est la barbe. Donc c'est que à notre époque on vit une période où les gens leur fitra et les renversaient à l'envers, et donc ils voient que qu'est-ce qui est beau ça devient laid pour eux et qu'est-ce qui est laid ça devient beau pour eux. Donc quand ils voient l'homme qui se rase ils disent ah ça c'est beau, alors que ça fait paraître l'homme efféminé, et ça lui fait paraître minable, tandis que l'homme qui a la barbe, qui laisse pousser sa barbe, ça le fait paraître comme quelqu'un de fort et de fier et de respectueux et de sage, surtout quand la personne est âgée. Quand tu vois un homme âgé par exemple avec une barbe blanche, tu vois en lui un signe de sagesse et de respect, d'honneur. Tandis que quand tu vois une personne âgée avec la barbe rasée comme ça, c'est comme s'il veut se prendre pour... Il se montre comme s'il était un jeune, ou bien comme s'il était... Ça enlève tout le respect et le... Al-Heiba, comme on dit en arabe, Al-Heiba, l'aura qui le couvre, lorsqu'il est avec cette barbe. Donc ça, c'est très important. Sans parler des preuves de la charia qui... clarifie que la barbe est obligatoire dans l'islam puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de la laisser pousser et a interdit de la raser. Par contre de couper la moustache, ou de baisser les poils de la moustache, ça c'est la sunna. Et pour éviter justement que des saletés se collent à la moustache, des fois tu vois par exemple les juifs qui laissent une grosse moustache, des fois la moustache même elle commence à tomber sur les lèvres et même elle touche à sa bouche, peut-être quand il mange là toute sa nourriture reste collée dans sa moustache. Ça c'est contraire à la sunna. D'accord? Donc, pas permis de la laisser pousser, la moustache. Hein, il faut la diminuer. Mais c'est pas non plus permis de la raser avec le rasoir. Donc, qu'est-ce qui est la sunna? C'est de la couper un peu pour la baisser, mais pas de la raser avec le rasoir. Ça, c'est pas permis. Donc, ça, c'est des points par rapport à cette question, par rapport à l'hygiène corporelle, par rapport à l'odeur. Tout ça, c'est des choses importantes dans la relation conjugale. Hein. Si un homme, quand il voit sa femme, il est dégoûté par elle, par rapport à son hygiène. Hein, il est repoussé par son hygiène parce qu'elle tient pas, elle fait pas attention à elle et elle se nettoie pas, ou bien par son odeur. Et la même chose de la femme, si elle est repoussée de sa femme à cause de son hygiène ou à cause de son odeur ou parce que il nettoie pas sa bouche, hein, il a mauvaise haleine ou des choses comme ça, ça c'est pas bien. Hein. Et attends, pour les questions un peu, attends, laisse-moi avancer un peu. Après le cheikh dit wa yujbiruha ala rasli janasa najasa ala rasli najasati wa ada'i wajibin wa ala ada'i wajibin kas salawat al khams falaw imtana'at an ada'iha alzamaha bidhalika wa addabaha fa in sallat wa illa hurimat alayhi al-iqamatu ma'aha وذلك عليه إجبار وكذا عليه إجبارها على ترك المحرمات واجتنابها لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأثنى الله على نبيه إسماعيل عليه السلام بقوله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة فالزوج مسؤول عن زوجته وهو المسترعى عليها ومسؤول على رعيته خصوصا أنها تربي أولاده وترأس أسرته فإذا فسدت أخلاقها واختل دينها أفسدت عليه أولاده وأهل بيته فعلى المسلم فعلى المسلمين أن يتقوا الله في نسائهم ويتفقدوا تصرفاتهن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. Donc ici le cheikh il mentionne des choses très importantes et c'est par rapport à certaines règles de la religion et de la responsabilité du père et du chef de la famille par rapport à sa femme et à ses enfants. Donc ici le cheikh il explique que l'homme il doit ordonner à sa femme de se purifier des impuretés majeures et des impuretés mineures et de lui ordonner d'accomplir les prières obligatoires. Et si elle refuse de les faire, il doit lui imposer de le faire et il doit la corriger. Et il dit, et si elle prie, hein, si elle prie, alors alhamdoulillah, toutefois si elle refuse et elle s'abstient de vouloir établir la salat malgré tout, alors dans ce cas-là, il n'aura pas le droit de demeurer avec elle par la suite. Il devra se séparer d'elle. Parce que un musulman ne peut pas demeurer avec une femme qui ne prie pas, qui ne fait pas la salat. La même chose pour la femme, si son mari ne fait pas la salat, elle doit lui donner le bon conseil et lui faire la da'wa et l'appeler à faire la salat. Si la personne refuse, hein, toujours le mari refuse toujours de l'établir ou d'accomplir la salat, alors dans ce cas-là, elle doit chercher les moyens pour se séparer de cet homme-là, parce que la femme musulmane n'a pas le droit de demeurer avec un homme qui ne fait pas la salat. Hein. Et le cheikh, il explique les raisons de ça et les preuves. Donc il dit par exemple que également, il a le devoir de lui imposer d'abandonner les choses interdites. Donc si par exemple il a une femme, que sa femme elle fait des péchés, il doit lui abstenir de faire ces péchés là. Donc si par exemple c'est une femme qui écoute de la musique, ou bien c'est une femme qui par exemple elle sort de la maison, elle refuse de se couvrir islamiquement, ou bien que c'est une femme qui par exemple refuse de faire la salat, ou bien elle refuse d'obéir à ses ordres, ou bien elle dit moi je parle avec les hommes, hein, j'ai des amis hommes ou des choses comme ça, alors là c'est pas correct. Toi t'es un homme musulman, tu peux pas accepter que ta femme elle fréquente des hommes, hein, ça c'est pas acceptable, ou bien des choses comme ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu as l'obligation de lui empêcher de faire ça, hein, et de lui ordonner de cesser de faire ça. Et les preuves que l'homme est responsable de faire ça, c'est que c'est les versets dans le Coran, le verset 34 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, c'est-à-dire les hommes sont les responsables des femmes, ils ont la charge et le devoir de, hein, d'imposer à la femme les bonnes choses et de les appeler au bien. Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à l'homme la responsabilité de gérer et de s'occuper de la femme. Sur le plan de la religion, sur le plan de la dunya, c'est lui son chef, c'est lui son berger, hein, c'est lui son berger. Et ça c'est une responsabilité que Allah, le créateur de l'homme et de la femme, a mis sur l'homme. C'est pas quelque chose que l'homme s'est imposé à lui-même ou que l'homme a décidé, hein, comme les féministes, elles, qu'est-ce qu'elles disent, hein? Non, les hommes et les femmes, ils sont égaux. Dans le couple, l'homme a autant de droits et d'obligations que la femme. Et il n'y a pas de chef de la famille. Les deux sont les chefs. Ça, c'est pas dans l'islam. Ça, c'est chez les koufars. Si eux, ils veulent vivre de cette manière-là, c'est leur problème. Hein? Tandis que nous, en tant que musulmans, on est des croyants, on est des musulmans. On doit se référer à notre religion et aux principes de notre religion. Pas aux principes que les koufars ont inventés, qui sont en contradiction avec la raison et avec la religion et avec la fitra. Hein? Donc, les hommes sont les responsables des femmes. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, parce que Allah a préféré ceci sur celle-ci. Hein? Il a préféré les hommes aux femmes. Il leur a donné précédence. Hein? Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire que il ne peut pas y avoir des femmes plus pieuses que certains hommes ou meilleures que certains hommes. Oui, ça c'est possible. Mais en général, les hommes, Allah les a préférés aux femmes et il les considère meilleures que les femmes. Hein? Et là, c'est pour cette raison-là que tous les prophètes, c'était toujours des hommes. Il n'y avait pas de prophètes femmes. Et de même que dans l'islam, il ne peut pas y avoir une femme dirigeante d'un pays, ou une femme juge, ou une femme imam dans une mosquée. Ça, c'est parmi les aberrations qu'on entend à notre époque dans les médias. Hein? Ils veulent une femme imam. Qu'est-ce qu'elle va faire quand elle a ses règles? Hein? Est-ce que les gens ils vont attendre pour qu'elle finisse ses menstrues pendant 5-6 jours pour qu'on puisse commencer à faire la prière en jama'a? Hein? C'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala il a déterminé que l'imam soit un homme ou que le dirigeant soit un homme. Hein? C'est parce qu'il y a, c'est pas drôle, c'est des choses sérieuses, hein? c'est grave. Donc c'est pas pour rien que Allah il a désigné que ce soit l'homme qui soit responsable de ces choses là mais le problème c'est lorsque quelqu'un il veut dépasser la limite que Allah a établie et il veut essayer de se donner des droits que Allah lui a pas donné, hein? Et empiéter sous les droits des autres ou les devoirs des autres et les responsabilités des autres. Et ça vient de l'envie, ça vient de la jalousie, ça vient de, hein, comme on dit, la passion, oui. Parce que les gens, ils pensent, hein, surtout quand les koufars, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire pendant des siècles, c'est de dévaloriser la femme et de faire sentir à la femme que d'être une femme, c'est moins valeureux que d'être un homme, et de que la femme s'occupe de ses rôles et de ses responsabilités de femme, que c'est quelque chose qui vaut moins que l'homme, hein. Donc, par exemple, elle va dire, mais avoir des enfants, rester à la maison, hein, s'occuper du foyer, de la famille, ça c'est pas important. c'est pas des choses bonnes ou c'est pas des choses valorisantes. Les choses valorisantes, c'est de sortir dans la rue, hein, d'aller travailler, de ramasser de l'argent, de faire comme les hommes. C'est ça qui est valorisant pour la femme. Donc, la femme maintenant, elle dénigre son rôle à elle, son rôle primordial, celui pour lequel Allah l'a créé. Elle dénigre ça et elle dévalorise ça. Puis elle veut absolument faire tout ce que l'homme fait, parce qu'elle dit je suis capable de le faire. Mais c'est pas parce qu'on est capable de faire quelque chose que ça veut dire que c'est ça qu'on doit faire. Et on n'est pas en train de dire que la femme n'est pas capable de le faire nécessairement. Peut-être que oui, certaines femmes sont capables, d'autres ne sont pas capables. Hein? Même parmi les hommes, certains sont capables de faire certaines choses et d'autres ne sont pas capables. Mais la règle, ce n'est pas ça. Il faut regarder, par exemple, par rapport à la sagesse divine. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait des hommes et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait des femmes? S'il aurait voulu autrement, il aurait créé que des hommes ou que des femmes. Et il aurait mentionné un autre moyen pour que les hommes se reproduisent d'une autre façon. Mais il a voulu qu'il y ait des hommes et il y a une sagesse là-dedans. Et il a voulu qu'il y ait des femmes et il y a une sagesse là-dedans. Et il a donné aux hommes un rôle et une responsabilité. Et il a donné à la femme un rôle et une responsabilité. Et maintenant, chacun doit respecter ça. Si un dit non, moi je veux la responsabilité de l'autre et je veux les devoirs de l'autre, hein, et que chacun commence à se mélanger, alors le résultat c'est le désordre, c'est le chaos. Hein. Les hommes commencent à vouloir agir comme des femmes et les femmes commencent à vouloir agir comme des hommes. Et c'est ce qui se passe actuellement dans les sociétés de mécréance. Et c'est pour ça que tout est en train de s'écrouler. Hein. Donc, peu importe qui emprunte cette voie d'égarement et de désordre, tôt ou tard, il s'écroule. Hein. Donc, il ne faut pas se laisser séduire par ces discours de la part de ces gens-là, parce que eux, ils appellent à l'égarement et éventuellement à l'enfer. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également dans le verset 6 dans sourate At-Tahrim, ô vous qui avez cru, sauvez vous-même et vos familles du feu de l'enfer, dont le carburant, hein, sera, dont le combustible sera les pierres et les hommes et les pierres. Hein? Et c'est-à-dire, Allah a établi comme gardien pour l'enfer des anges qui sont rudes et sévères, qui ne désobéissent jamais à ce que Allah a ordonné et qui font ce qui leur est commandé. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Taha, le verset 132, à propos d'un des prophètes d'Allah, il ordonnait à sa famille la salat et de rester, hein, endurant sur celle-ci. Et il dit, nous ne te demandons pas de subsistance, nous allons te donner la subsistance. C'est pas Allah qui nous demande qu'on lui donne quelque chose. Lui, il nous donne tout ce dont on a besoin pour vivre. On a juste à l'adorer. Wal aqibatu littaqwa, et la bonne conclusion sera pour la piété. Et il a fait les éloges du prophète Ismaïl alayhi salam également lorsqu'il dit dans le verset 54 et 55 dans sourate Maryam et mentionne dans le livre Ismaïl, le prophète Ismaïl, il était quelqu'un qui était véridique dans sa promesse, il gardait ses promesses, et c'était un messager, un prophète. Il ordonnait à sa famille la salat et la zakat. Donc ça indique quoi? Ça indique que le chef de la famille, il a une responsabilité, il a le devoir de faire appliquer la charia d'Allah et la religion d'Allah dans son foyer. À l'intérieur de chez lui, c'est lui le roi, c'est lui le maître. Donc, il a comme responsabilité de faire appliquer la religion aux membres de sa famille. Et s'il manque à cette obligation-là, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Allah, au jour de la résurrection, va lui demander des comptes. Allah subhanahu wa ta'ala va demander des comptes à cette personne. Pourquoi tu t'es pas occupé de ta femme? Pourquoi tu ne lui as pas ordonné le bien? Pourquoi tu ne lui as pas interdit le mal? Pourquoi tu n'as pas éduqué tes enfants selon la règle de l'islam? Pourquoi tu n'as pas interdit à tes enfants les péchés? Pourquoi tu ne l'as pas ordonné les obligations dans la religion? Et s'il a eu des négligences ou s'il a eu des manquements ou il n'a pas tenu compte de ça, il sera jugé pour ça. Hein? Donc, ça c'est quelque chose d'important, et même des fois de le dire même aux enfants. de leur expliquer, parce que ça c'est important qu'ils le sachent, de dire aux enfants, écoutez, moi j'ai une responsabilité de m'occuper de vous devant Allah. C'est-à-dire que c'est Allah qui m'a ordonné de vous éduquer. Il m'a donné des enfants comme une responsabilité, une amana, un dépôt. Et cette amana, je dois en tenir compte. Je dois garder ce dépôt de manière fiable et honnête, parce que Allah va me questionner au sujet de ce dépôt au jour de la résurrection. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as géré ça? Comment tu as agi avec cette affaire-là et cette situation-là? Donc on n'est pas les êtres humains, on n'est pas des oiseaux. Les oiseaux, ils ont pondu des œufs, et puis l'oiseau, quand il a fini, il part, il vole, et puis il revient plus. Ses parents, ils vont plus le revoir par la suite. L'être humain, il n'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'il y ait des liens entre les hommes, et des liens de parenté entre eux. Et donc l'homme, il a responsabilité envers ses enfants, les enfants ont responsabilité envers les parents, et il y a des relations. Tandis que tu vois chez les koufars là, c'est comme ils sont devenus comme des animaux, comme ça, comme des oiseaux. Les parents, ils font des enfants, arrivés à 18 ans, ok, sors de chez moi, va-t'en, je ne veux plus rien savoir, et débrouille-toi. Et il ne leur donne pas le bien, il leur interdit pas le mal, il lui enseigne pas ses responsabilités, ses devoirs vis-à-vis de son créateur, pourquoi il l'a créé, pourquoi il existe. Non, ça lui est complètement égal. Même au contraire, peut-être même il considère que c'est un fardeau pour lui, il veut juste s'en débarrasser. Certains parmi les koufars, ils disent, ah, cet enfant je l'ai fait, c'est comme un accident, je voulais même pas l'avoir. Peut-être que il a eu cet enfant dans le zina ou dans le haram, et puis après il a dit bon. Il y en a, ils ont des enfants, ils savent même pas pourquoi, ils savent même pas pourquoi ils ont des enfants. Et il y en a qui ont des enfants même chez les koufas, même pour avoir des allocations parce qu'ils savent que le gouvernement, ils vont lui donner des allocations s'il a des enfants, et eux ils veulent pas travailler, donc ils font des enfants pour avoir des allocations, mais après ils s'en occupent pas. Il ne les éduque pas. C'est juste un moyen pour obtenir de l'argent. Allah al-musta'an. Donc ça, c'est grave. Et nous, on est des muslimines, donc ce n'est pas comme ça notre vie. Il y en a toutes sortes de choses. Je ne vais pas commencer à énumérer tous les exemples de tout ce qui se passe dans la société, parce que sinon on finira plus. Mais il faut comprendre que nous, on est des muslimines, et qu'il faut apprendre comment, dans notre religion, on doit vivre. Ces relations-là dans la famille et dans la société. Le cheikh dit que l'homme, il est responsable de sa femme, et c'est lui le berger qui doit gérer à son bien-être et la protéger et la défendre et l'éduquer et l'orienter et ainsi de suite. Il est responsable de son troupeau, et sa famille, c'est son troupeau. Comme le berger, il est responsable de ses moutons. S'il y en a un qui se fait manger par un loup ou qui s'égare, c'est lui le responsable, parce qu'il n'a pas été, il n'a pas été vaillant, il n'a pas été vigilant, il n'a pas pris les précautions nécessaires. Donc le père de famille, le mari, le chef de la maison, il doit donc veiller à l'éducation de ses enfants, et la femme, elle est également l'éducatrice dans la maison. C'est elle qui fait l'éducation des enfants. Donc si la femme, son comportement et son caractère est corrompu, c'est sûr qu'elle va transmettre à ses enfants cette corruption-là, et ce mauvais comportement qu'elle possède. Donc la femme qui boit de l'alcool, la femme qui fume, la femme qui qui dit des paroles des injures tout le temps, des gros mots, des grossièretés, toujours impolies, toujours en train de parler mal devant ses enfants, quelle image elle donne à ses enfants. Ça veut dire que ses enfants, eux, ils vont l'imiter, ils vont parler comme ça eux aussi quand ils vont aller dehors. Donc tout ça, ça veut dire que la mère, elle va corrompre ses enfants. Si la mère, elle montre son corps quand elle sort dehors, elle s'habille pas correctement islamiquement, elle montre à ses filles l'impudeur. Elle montre à ses filles que c'est correct qu'une femme se couvre pas. Donc elle transmet à ses enfants et à ses filles ces mauvaises valeurs, ces mauvais comportements-là. Et donc elle va corrompre ses enfants. Donc le père, lui, s'il tient à l'éducation de ses enfants, il doit veiller à ce que justement sa femme ne soit pas corrompue et à ce que son comportement soit bon, et en même temps aussi à veiller à ce qu'elle transmette à ses enfants le meilleur comportement et les meilleures valeurs, hein, les meilleures valeurs morales pour cela. Et les meilleures valeurs morales, c'est les valeurs de l'islam, parce que c'est les valeurs qui ont été transmises par les messagers d'Allah et les prophètes. Et les messagers d'Allah et les prophètes sont les meilleurs hommes que Allah a envoyé sur terre pour enseigner à l'humanité comment vivre. D'accord ? Et on a des exemples également dans leurs épouses, hein, dans leurs familles, les familles des prophètes et les hommes pieux et les femmes pieuses qui ont vécu avec eux pour savoir comment se comporter, comment agir, hein, comment vivre dans cette vie d'ici-bas. Donc notre référence et notre modèle, ça va pas être telle télésérie ou telle actrice ou tel chanteur ou telle chanteuse ou tel youtubeur ou telle youtubeuse. Aujourd'hui maintenant ça a remplacé les choses, les gens ils se basent sur les youtubeurs, hein, ils appellent les youtubeurs, même le nom il est pitoyable, mais c'est pour dire, yani, des gens qui se sont donner la responsabilité de faire des vidéos pour mettre ça sur internet pour montrer aux gens ou dire aux gens comment faire ou quoi pas faire. Comme on dit, comme disait toujours Cheikh Al-Albani, faqid ash-shay la yu'ti. Celui qui possède pas, il peut pas donner. Il peut pas donner ce que tu possèdes pas. Donc si des gens ils ont pas la guidance, ils peuvent pas l'enseigner aux autres. Mais yani, Allah musta'an. Tu trouves des gens là, dans cette catégorie de personnes, yani, qui se donnent la permission de vouloir yani, donner des conseils aux gens alors qu'ils n'ont aucune science. Et donc il faut, hein, le cheikh dit, le musulman il doit craindre Allah et se préserver d'Allah par rapport à ses femmes, par rapport à ses filles, par rapport à ses fils, par rapport à ses enfants. Vérifier et chercher, toujours regarder leur comportement, comment ils agissent, hein, à la maison et à l'extérieur de la maison et à l'école, hein, et avec les amis, suivre les comportements des enfants, vérifier qui sont les fréquentations des enfants, c'est qui leurs amis, c'est qui leurs fréquentations, qu'est-ce que les parents de ces enfants-là, de ces amis-là, est-ce qu'ils sont sur la droiture ou bien ce sont des parents qui sont, hein, yani, libertins ou bien permissifs, ils laissent tous leurs enfants faire ce qu'ils veulent, hein. Donc il faut faire attention à ça. Les gens disent, ouais, ça c'est exagéré, qu'est-ce que tu vas suivre les enfants, tu vas laisser la liberté. Non, parce que toi tu seras questionné pour ça. Et au jour de la résurrection, tes enfants, ils vont te remercier que tu t'es bien occupé d'eux, que tu as pris ta responsabilité à cœur et au sérieux. Tandis que l'autre qui a laissé ses enfants dans l'égarement et dans l'ignorance ou dans l'insouciance, hein, ses enfants vont le maudire au jour de la résurrection. On lui dit, toi, tu nous as pas montré le bien, tu nous as pas guidé, tu nous as pas orienté, tu nous as pas préservé de ce qui était mauvais pour nous, hein, et on est égaré, hein, à cause de toi. Donc ça, c'est ça le malheur. Bien entendu, si un parent il avait fait son effort et il avait tout fait, hein, demandé l'aide d'Allah, il a essayé d'orienter ses enfants et sa famille, mais que malgré ça ils se sont perdus, hein, il n'est pas responsable dans ce cas-là, parce qu'il a fait ce qui était possible, hein, qu'est-ce qui était possible pour lui. Regardez l'exemple de Nuh alayhi salam, son fils il s'est égaré, il n'était pas responsable, hein. Parce qu'il lui a montré le bien, il l'a enseigné le bien. S'il s'est égaré par la suite, c'est pas sa faute, hein. Le cheikh dit, wa yulzimu zawj, hein, yulzimu zawj an yabita 'inda zawjatihi idha kanat hurra laylatan min arba' layalin, hein, wa in talabat minhu dhalik li'an أكثر ما يمكن أن يجمع معها من النساء ثلاث مثلا. ولأن كعب ابن سوار قضى بذلك عند عمر بن الخطاب واشتهر ولم ينكر. وهذا رأي بعض الفقهاء وهذا دليله وتعليله. ولكن في هذا الاستدلال والتعليل عند الشيخ ابن تيمية شيخ تقي الدين نظر، حيث يرى أن التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة فقط يكون حال الانفراد كحال الاجتماع، والله أعلم. Donc le cheikh il mentionne ici que il est obligatoire à l'homme de passer au moins si sa femme est une femme libre et non une esclave, il est obligatoire pour lui de dormir avec sa femme une nuit sur quatre au moins, si elle lui demande, si elle exige cela de lui. Pourquoi ? Parce que le maximum qu'il peut y avoir de femmes avec cette femme-là, c'est trois. C'est-à-dire que si en tout il a quatre femmes, c'est sûr qu'il doit passer une nuit avec chacune d'entre elles. Donc elle doit au moins avoir une nuit sur quatre. Et Ka'b ibn Suwar, il avait donné ce jugement-là à l'époque de Omar ibn al-Khattab, et cette opinion, elle est devenue célèbre et personne ne l'a rejetée. Et c'est l'opinion de certains d'entre les fuqaha, et c'est ça leur preuve et c'est ça leur raison pour l'avoir jugé par ce jugement-là. Toutefois, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il considère que dans cette argumentation-là, il y a un problème, parce qu'il dit que le fait que, par exemple, une personne, lorsqu'il a quatre épouses, il va passer une nuit avec chacune, ça ne veut pas dire que lorsqu'il en a seulement une épouse, qu'il doit, passer une nuit sur quatre seulement. Wallahu a'lam. Ensuite, il dit, وَيَلْزَمُ الزَّوْجُ وَطْءَ الْوَطْءِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ كُلُّ ثُلُثِ سَنَةِ مَرَّةً إِذَا طَلَبَتِ الزَّوْجَ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ قَدَّرَ ذَلِكَ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ في حق المؤلي أو المؤلي وفذلك فكذلك في حق غيره. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجوبه بقدر كفاية الزوجة ما لم يضره أو يشغله عن طلب معيشة من غير تقدير بمدة. Okay, donc ici le cheikh il parle d'un point différent qui est plus spécifique, c'est les rapports intimes, les rapports sexuels entre un homme et sa femme. Il dit que il est obligatoire que l'homme ait des rapports avec sa femme à chaque tiers d'année, au moins une fois si la femme lui exige cela, c'est-à-dire à chaque quatre mois, parce qu'il se base sur le verdict de Al-Ila qui était de la limite de quatre mois. Et il considère que c'est la même chose pour d'autres que celui qui a fait al-ilah. Mais les ulama ils disent que ça, cette opinion-là, elle n'est pas correcte. C'est pas ça qu'il faut tenir compte. Plutôt, il faut tenir compte de qu'est-ce qui est connu dans la bienséance et aussi bil ma'ruf, comme on dit en arabe. Selon la formule du Coran, comme Cheikh Saadi l'a expliqué par rapport à ça. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, lui, il mentionne que c'est obligatoire selon ce qui est suffisant pour la femme, tant que cela ne nuit pas à l'homme et tant que cela ne le préoccupe pas ou ne le fait pas être occupé au point de ne plus pouvoir rechercher un gagne-pain et gagner sa vie, sans déterminer une période ou un temps spécifique minimum. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire il faut que ce soit à chaque quatre mois ou à chaque semaine ou une fois par semaine ou deux fois par semaine ou une fois par mois. Non, selon les besoins et selon les désirs. Et surtout si la femme elle l'exige elle-même, tant que ça ne va pas être excessif ou que ça va être à un point tel que ça va épuiser ou fatiguer l'homme ou bien lui faire du tort à sa santé. Donc, tant qu'il y a le besoin et que tant qu'il y a tant que c'est dans le bien, hein, bil ma'ruf. Peut-être que certaines femmes, elles n'osent pas dire à leur mari quand elles ont un besoin, hein, parce que certaines femmes, elles sont timides ou elles sont gênées, et donc elles ne veulent pas dire à son mari, moi j'ai un besoin. Donc, il faut savoir lire les signes. Il faut savoir lire les signes et en même temps aussi apprendre à communiquer. Ça, c'est bénéfique. Le cheikh, il dit, « Wa in safara az-zawj fawqa nisf sana, wa talaba, talabat az-zawja, qadumahu lazimahu dhalik, illa fi safari hajjin wajibin, aw ghazwin wajibin, aw kana la yaqdiru ala al-qudum. فإن أبى القدوم من غير عذر يمنعه طلبت الزوجة التفريق بينهما وفرق بينهما الحاكم بعد مراسلته لأنه ترك حقا عليه تتضرر الزوجة بتركه. Donc ça, c'est important aussi. Le cheikh dit, si par exemple le mari il voyage, hein, la moitié d'une année, il part en voyage, il laisse sa femme, et que la femme exige son retour, hein, parce qu'elle a, elle a aussi, elle, ses besoins. Hein. Et des fois, il y a des hommes comme ça, malheureusement, ils laissent leur femme dans leur pays d'origine pendant des années, hein, sans que la femme puisse avoir accès à son mari. Alors, quand elle a ses besoins, ou quand elle a des désirs ou des tentations, qu'est-ce qui arrive? Peut-être qu'elle va tomber dans le haram à cause de ça. Et la faute de ça, c'est l'homme. Hein. Donc, ça c'est clair qu'il y a des problèmes dans ce cas-là. Si la femme demande à son mari de revenir, alors il doit revenir, hein? Sauf s'il est parti pour le hajj, parce que ça c'est une obligation, ou parce qu'il est dans une expédition obligatoire par rapport au djihad dans l'armée, hein, dans un pays musulman, ou bien qu'il n'est pas capable de revenir parce qu'il a un empêchement quelconque. Alors, dans ce cas-là, le cheikh dit que s'il refuse de revenir sans excuse valable, hein, et que la femme demande, dans ce cas-là, la séparation, hein, elle va aller voir le juge, et le juge va faire, hein, après l'avoir contacté, son mari va ordonner qu'il soit séparé. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'obtient pas son droit à cause de cet homme-là, et elle risque peut-être même de tomber dans le péché et le haram à cause de ça, et ça lui fait du tort, hein? Alors c'est pas correct pour dans ce cas-là pour lui de la laisser comme ça toute seule pendant cette longue période de temps. Par contre, si elle accepte ça puis elle patiente, ça c'est autre chose, hein? Mais par contre, si elle ressent le désir ou le besoin, ou bien qu'elle a besoin de son mari et que lui il refuse de venir pour d'autres raisons ou Allahu a'lam, alors dans ce cas-là, elle aura le droit de demander la séparation pour pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre qui va lui donner ses droits. Hein? Parce que à quoi ça sert de se marier si on ne peut pas garder sa chasteté? C'est quoi le but du mariage si ce n'est pas ça? Le cheikh dit ensuite, « Wa qala al-shaykh taqiyuddin wa husoulu d-darar lil-zawja bi tarki al-watr muqtadin lil-fasqi bi kulli hal » سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته أو عجزه كالنفقة وأولى. Donc c'est ça, il dit le fait que la femme elle soit elle soit brimée dans ses droits, ou qu'on lui fasse du tort parce qu'elle ne peut pas avoir des rapports avec son mari et satisfaire ses désirs, ça c'est quelque chose qui implique que le mariage soit annulé dans toutes les circonstances. Hein. Peu importe que ce soit voulu par l'époux ou non. Donc, et peu importe qu'il soit capable ou non. Et c'est comme la location, l'argent qu'il doit donner à sa femme, et c'est encore plus important même que l'argent. Encore plus important même que l'argent. Il dit, ويحرم على كل من الزوجين التحدث بما يجري بينهما من أمور الاستمتاع. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها فدل ذلك على تحريم إفشاء الزوجين ما يجري بينهما من أمور الاستمتاع من قول أو فعل. Donc le cheikh dit qu'il est interdit à tous les deux des époux de parler de ce qui se passe entre eux dans leur intimité lorsqu'ils ont des rapports ensemble et de parler de ça aux autres. C'est rapporté par Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les pires personnes parmi les pires personnes en degré au jour de la résurrection auprès d'Allah, ce sera la personne qui va en privé avec sa femme ou la femme qui va en privé avec son mari puis qui après va dévoiler son secret, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait en privé avec son mari? Elle le dit aux autres femmes. Et qu'est-ce qu'il a fait en privé avec sa femme? Il va le dire à d'autres hommes. Ça, c'est interdit. Hein? Et on n'a pas le droit donc de décrire qu'est-ce qui se passe entre l'homme et la femme. Que ce soit des paroles qui ont été dites ou des actions qui ont été faites. « وَلِزَوْجِ مَنْعُ زَوْجَتِهِ » من الخروج من منزله لغير حاجة ضرورية فلا يتركها تذهب حيث شاءت يحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة ويستحب للزوج أن يأذن لها بالخروج لتمرد محرمها كأخيها وعمها لما في ذلك من صلة الرحم. Donc le cheikh il explique un point important aussi, c'est que l'homme il peut s'il veut empêcher à sa femme de sortir de la maison si c'est pour une sortie qui n'est pas nécessaire, et il ne doit pas la laisser aller où elle veut, comme elle veut, hein. Au contraire, il doit lui interdire de sortir, hein, excepté avec sa permission. Hein? Et il ne doit pas la laisser sortir sans nécessité non plus. C'est pas comme les femmes ici dans le pays de Kofr, hein? Les femmes qui vivent à la façon occidentale, c'est la façon des juifs et des chrétiens, des athées qui croient pas en Allah. La femme elle dit non, moi je suis libre, je rentre, je sors, je vais où je veux, je sors, je fais les magasins, je vais aller visiter telle personne, je vais aller à tel endroit, je demande pas à mon mari, je fais qu'est-ce que je veux, mon mari ne peut pas me dire quoi que ce soit. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu t'es marié, hein? Pourquoi tu veux te marier si tu ne veux pas que ton mari, hein, te dise qu'est-ce que tu peux faire ou pas, ou quand est-ce que tu peux sortir ou non, hein? Donc le mari, il est responsable de sa femme, il doit donc, hein, savoir où elle va, quand elle sort et pourquoi elle sort. Il ne peut pas la laisser sortir de sa maison pour n'importe quelle raison, pour n'importe quoi. Et il y a des femmes comme ça parmi les gens ici qui se disent « Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit de sortir où je veux, quand je veux. » Quelle femme qui a des enfants, qui est mariée, qui a un mari, qui est responsable, qui se permet de dire « Je vais sortir quand je veux, où je veux, aller voir qui je veux, comme je veux, quand je veux. » Est-ce que ça c'est normal? Hein? Ça c'est pas normal. Donc la base à la maison, la base de la femme c'est sa maison. Allah subhanahu wa ta'ala dit même dans le Coran wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula. Dire et restez dans vos demeures, restez dans vos maisons, hein, fi buyutikunna. Hein, et ne sortez pas que yani pour une nécessité, ça c'est dans l'explication des ulama. Le tafsir, les ulama disent la femme ne doit pas sortir sauf pour une raison valable, une nécessité. Et voilà tabarrajna, et ne vous exhibez pas vos parures et vos formes, vos corps, de la manière que les femmes le faisaient, hein, dans la jahiliya, à l'époque pré-islamique. Dans surat Al-Ahzab, le verset وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, je te le dis. Dans surat Al-Ahzab, et non, c'est le verset 33. 33 dans surat Al-Ahzab. Et parmi les preuves que la femme elle doit pas sortir sans la permission de son mari, donnez-moi une preuve. Sans la permission de son mari, est-ce que vous avez pensé à une preuve qu'elle doit pas sortir sans la permission de son mari dans la sunna ou dans le Coran? La preuve qu'elle ne doit pas sortir de chez elle sans la preuve de son, sans la permission de son mari. Ouais, tu connais ce hadith là? Bon, je le connais pas, mais moi je pensais plutôt au hadith qui dit, et c'est un hadith qui indique cette obligation, cette interdiction, ou bien plutôt ce principe là par déduction, lorsque on le comprend, hein, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'empêchez pas vos femmes d'aller aux mosquées. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'empêchez pas vos femmes d'aller dans les mosquées, ça c'est la preuve que l'homme a le droit d'empêcher à sa femme de sortir. Parce que s'il n'avait pas le droit d'empêcher à sa femme de sortir, il n'aurait pas besoin de leur dire n'empêchez pas vos femmes d'aller à la mosquée. Hein? Donc ça c'est une des compréhensions de ce hadith-là. Naam. Oui, exactement. La prière qu'elle fait à la maison, elle est meilleure que celle qu'elle fait à la mosquée. Mais par contre, si elle veut aller à la mosquée pour écouter un dars ou pour apprendre sa religion ou pour faire la salat, yani, on ne doit pas l'empêcher. Non, ce n'est pas nécessaire d'être accompagné d'un mahram pour aller à la mosquée pour la femme. Elle doit être accompagnée d'un mahram si elle fait un voyage. Mais si elle veut aller au magasin du coin, ou bien à un supermarché, ou bien aller à la mosquée, elle n'a pas besoin d'un mahram pour ça. Oui, c'est ashraf à shaitan, ça ne veut pas dire qu'elle doit avoir un mahram pour sortir. Le mahram, c'est obligatoire pour le voyage, pas pour aller au magasin au coin de la rue. Oui, oui c'est ça. Là. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc maintenant vous connaissez la preuve. Hein? La tamna'u ima Allah min al-masajid. N'empêchez pas les femmes d'aller dans les mosquées. Ça c'est la preuve que la femme elle ne peut pas sortir de chez elle sans la permission de son mari. Excepté s'il y a une nécessité. Supposons que son mari par exemple, il est au travail et que le mari il est au travail, elle essaie de le rejoindre, il y a une urgence à la maison, l'enfant il s'est fait mal, il doit aller à l'hôpital, elle essaie de le rejoindre, elle n'arrive pas, elle prend les enfants, elle s'en va à l'hôpital avec eux, ça c'est une nécessité, il n'y a pas de mal, ou bien quelque chose dans ce genre, hein, elle n'a pas le choix. Si elle a besoin de prendre l'air, elle demande la permission à son mari, ça c'est pas une nécessité. Elle demande la permission à son mari, elle dit écoute, j'aimerais ça aller faire une promenade au parc avec les enfants. Donc elle prend les enfants, elle va jouer au parc avec les enfants, il n'y a pas de mal. Hein? Mais c'est pas une nécessité. Et en principe, si elle demande la permission à son mari à l'avance, il n'y a pas de raison pourquoi son mari devait refuser. Et surtout avec les téléphones cellulaires maintenant. La femme, elle peut rejoindre son mari presque à n'importe quel instant. Hein? Ensuite, le cheikh, il explique, il dit donc que si la femme, elle veut aller, par exemple, s'occuper d'un de ses proches qui est malade, son frère ou son oncle ou son père ou quelqu'un qui est malade dans sa famille, elle veut aller s'en occuper, il est recommandé au mari de lui laisser... Hein, sortir pour aller s'occuper de son proche qui est malade, parce que ça fait partie de garder les liens de parenté, d'accord. Ensuite il dit وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ زِيَارَةِ أَبَوَيْهَا لَهَا فِي بَيْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ زِيَارَةِ أَبَوَيْهَا لَهَا فِي بَيْتِهِ إلا إذا خاف منهما ضررا بإفسادها عليه بسبب زيارتهما لها فله منعهما حينئذ من زيارتها. Donc il dit il ne doit pas empêcher non plus ses parents, les parents de sa femme, de venir la visiter chez lui dans sa maison, excepté s'il craint que ses parents vont la corrompre, il a affaire, la montée contre lui, à cause de sa visite. Alors, dans ce cas-là, il peut les empêcher de la visiter chez lui. وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ تَأْجِيرِ نَفْسِهَا وَالْتِحَاقِهَا بِالْوَظَائِفِ لأنه يقوم بكفايتها وذلك يفوت عليه حقه عليها ويعطل تربيتها لأولادها ويعرضها للخطر الخلقي خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه الحياء والاحتشام وكثر فيه دعاة السوء والإجرام وصارت النساء تخالط الرجال في المكاتب ومجالات الأعمال وربما تحصل الخلوة المحرمة فالخطر شديد والابتعاد عنه واجب أكيد. Ça, c'est un point important aussi. C'est que l'homme, il a le droit d'empêcher sa femme de travailler ou de s'employer pour un poste de travail s'il considère que c'est que yani, elle ne doit pas aller travailler. S'il ne veut pas qu'elle aille travailler, il a le droit de l'empêcher d'aller travailler. D'accord ? C'est son choix, c'est sa décision. Et pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est lui qui est responsable de s'occuper d'elle et de ses besoins. Donc la femme musulmane ne doit pas dire, comme certaines femmes mécréantes, qui disent « Non, moi je veux être indépendante et responsable de moi-même, je ne veux pas dépendre d'un homme, je ne veux pas dépendre de qu'est-ce qu'un homme va me donner, c'est moi-même qui veux gagner mon argent, je veux être responsable de moi-même. » Non, c'est pas ça que Allah il t'a donné comme devoir et obligation. Allah t'a donné comme obligation que c'est toi, que ton mari doit s'occuper de toi. T'as pas toi à aller travailler pour t'occuper de toi-même ou de ta famille. C'est l'homme qui a cette obligation-là. Donc si l'homme il accepte que sa femme elle travaille, il peut la laisser travailler s'il veut. Mais selon bien entendu des conditions. Et parmi les conditions, le cheikh il a mentionné le fait que s'il la laisse travailler par exemple, il va perdre certains de ses droits sur elle. Parce qu'elle va être occupée, elle va aller travailler. Elle va revenir à la maison, pendant ce temps-là elle ne va pas s'occuper de la maison. Pendant ce temps-là, quand elle revient, elle va être fatiguée. Peut-être qu'elle va négliger les enfants à cause de ça. Peut-être qu'elle va négliger son mari à cause de ça. Peut-être qu'à cause de ça, justement quand elle va être épuisée, en revenant de travailler, elle va dire « Ah, ne me demandez rien, moi là je suis fatigué, je veux rien faire, je veux juste aller me reposer ou dormir. » Alors qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? C'est qui s'occupe des enfants et de la maison et du ménage? Si il y a une femme de ménage ou une bonne, ou une nourrice qui va venir à la maison pour s'occuper des enfants, ça veut dire que c'est d'autres personnes qui vont éduquer ses enfants et non elle, Et le résultat de ça, on voit qu'est-ce que ça fait. La délinquance et les problèmes sociaux, les enfants abandonnés dans la rue qui font n'importe quoi. Ici, c'est ça, souvent des enfants, on les laisse même au primaire même, avec des clés de leur maison. Quand l'école est finie, ils rentrent à la maison, tout seul, il n'y a personne. La mère, elle laisse une note sur le comptoir, « Je t'ai mis le repas dans le réfrigérateur ou bien dans le four, tu te le réchauffes toi-même. » Elle laisse une note pour son mari, le repas il est dans le micro-ondes, tu appuies pour 2 minutes, après tu... ou je sais pas quoi. Et ça veut dire la maison est abandonnée, les enfants sont abandonnés, le mari est abandonné, les enfants vont prendre un mauvais comportement dans la rue, à l'école, c'est les étrangers qui vont les éduquer, c'est pas elle, c'est pas lui, c'est pas son mari. Et en particulier également, il dit le cheikh, à notre époque c'est encore plus grave parce que qu'est-ce qui arrive en rapport à ça, c'est que les gens ont moins de pudeur et de timidité, donc ils se permettent de faire beaucoup de péchés que dans le passé c'était pas aussi accessible. Et il y a des gens à notre époque qui appellent à l'impudeur et à la perversité. Et on voit que, par conséquent, les femmes et les hommes, dans les milieux publics, et dans les endroits de travail, ils se mélangent normalement. L'homme et la femme, ils se côtoient dans le milieu de travail et ils plaisantent entre eux. Peut-être même ils se draguent, hein, les uns les autres, hein. Allah al-musta'an. Et il y a pas quelques années, il y a quelques années de ça, même, je pense l'année passée ou l'année d'avant, le mouvement, yani de revendication des actes contre, pas de revendication, mais de contestation contre les agressions et le harcèlement sexuel en lieu de travail. Ça a commencé à faire des scandales, hein, dans la société occidentale. Ça a explosé comme une bombe, hein. Toutes les femmes se mettaient à dénoncer leur patron, leurs collègues de travail, leur patron, leurs amis, leurs proches, tout le monde, hein, ils vont sur internet et ils mettent le hashtag, hein, on va pas dire quoi. Mais c'est bizarre parce que eux, de toute façon, ils aiment le porc, ils le mangent comme s'ils aiment le porc. Mais sauf que quand c'est des exemples comme ça, des harcèlements, ils ont pas, ils disent, ah, balance ton porc. Hein? Ils disent, balance ton porc. Mais pourquoi ils aiment tellement le porc puis ils le mangent tout le temps? C'est pas la preuve que le porc c'est haram. Hein? C'est un animal impur. Mais ils veulent pas l'admettre. Hein? Ils savent que le porc c'est un animal sale et impur, mais quand c'est le temps de critiquer ou dire un homme a fait une agression sexuelle, ils disent, hein, balance ton porc. Mais quand c'est pour dire, yani, manger du porc, ça, il n'y a pas de problème. Nous, les musulmans, on ne mange pas de porc. Et on sait que le comportement de ceux qui agissent comme des porcs, c'est un comportement qui est incorrect, hein, qui est, comment on dit, malsain, oui, mauvais, corrompu. Donc, le musulman, il travaille pas avec des femmes. Donc, il va pas agresser sexuellement des femmes au travail. Hein? Il va pas s'isoler avec une femme tout seul. Parce que c'est pas permis pour un musulman d'être isolé avec une femme qu'il a le droit d'épouser, hein, et de rester seul avec elle dans un endroit fermé. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si un homme est seul avec une femme, le troisième, c'est le shaitan. Le troisième, c'est le diable. Donc il ne va pas rester seul avec une femme pour justement ouvrir la porte aux tentations qui vont peut-être l'amener justement à vouloir faire ce genre d'agression-là. Et des fois, si ce n'est pas l'homme qui veut agresser la femme, c'est la femme qui va essayer d'harceler l'homme pour essayer de le tenter ou de le pousser à tomber dans le péché avec elle. Comme c'est arrivé à Youssouf alayhi salam, hein, lorsque la femme de Al-Aziz qui a voulu profiter de lui ou qui a voulu l'agresser parce qu'elle avait le pouvoir sur lui, elle pensait qu'elle pouvait lui imposer de faire qu'est-ce qu'elle veut, et lui, il s'est enfui, il a fui de ça, de ce péché-là, et elle l'a accusé injustement, hein. Elle a dit, il a essayé de m'agresser, alors que c'est elle qui a essayé de l'agresser. Hein? Vous voyez comment des fois les accusations peuvent être mensongères. Mais si on enlève si on élimine les causes pour qu'il y ait ce genre d'accusation, en interdisant la mixité, en interdisant l'isolement avec les femmes étrangères et en se limitant aux relations qui sont avec ceux avec qui on a le droit, hein, dans les limites des règles de la charia, nos proches et nos épouses dans le mariage, ça c'est permis, hein? Mais en dehors de ça, non. Donc, en faisant ça, on va être sûr. Hein? Une fois, j'entendais des gens dans un pays musulman qui disent « On voudrait qu'il y ait des lois pour interdire l'harcèlement sexuel au travail. » J'ai dit « Subhanallah, c'est des musulmans, puis ils disent ça. On a besoin d'inventer des lois. Quelles lois on a besoin d'inventer? Le Coran, il est là, la Sunna, elle est là. Qu'est-ce que tu veux inventer ?» Ça veut dire que ces gens-là, ils ont une maladie dans leur tête. Ils ont oublié que le Coran, il a été révélé comme notre loi à nous les musulmans. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre loi à nous les musulmans. C'est ça qui doit gérer le pays. C'est pas les lois que les koufars en Europe ou en Amérique ont inventées, qui sont des lois corrompues, qui disent qu'un homme et une femme, du moment qu'ils sont consentants, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, hein, entre eux. Du moment qu'ils sont consentants. Mais là, le problème, c'est de prouver qu'il y a eu consentement. Hein? Alors, ça devient compliqué maintenant. Une fois que soi-disant le viol a eu lieu, il dit non, mais hein, elle était consentante. Mais elle dit non, j'étais pas consentante. Hein? Mais pourquoi, sur quoi tu te bases pour dire que j'étais pas consentante ou que j'étais consentante? Là, c'est une question des fois d'interprétation. Hein? Donc tout ça, c'est des exemples de corruption et de désordre. Et quand tu regardes ça, c'est ça qui te fait dire Alhamdulillah que je suis musulman. Alhamdulillah que hein, Allah nous a donné cette religion, l'islam. Alhamdulillah que on a toutes ces règles de morale et de conduite qui nous protègent de tous ces égarements et de toutes ces corruptions dans cette société hein, corrompue. Et le cheikh il dit donc hein, il ne faut pas qu'il y ait donc cette khalwa, cette isolation entre les hommes et les femmes, cette fréquentation et cette mixité entre les hommes et les femmes, surtout que les femmes dans les bureaux aujourd'hui hein, les secrétaires, elles mettent des vêtements pour montrer leur forme, leur corps, elles mettent du parfum, elles mettent du maquillage, elles arrangent leurs cheveux, c'est comme si elles s'en vont hein, à sa nuit de noces chaque matin. Elle part dans le métro, elle part dans l'autobus, hein, à chaque fois qu'elle passe, elle laisse son parfum derrière elle. Comme si elle s'en va pour se marier, on dirait. Hein? Elle s'en va rencontrer son prétendant. Peut-être qu'à la maison, elle s'habille même pas bien. Elle se met pas de parfum. Elle s'habille pas. Elle se met pas belle pour son mari. Mais elle part pour travailler pour des étrangers. Là, elle veut se mettre belle. Elle part au travail chaque matin peut-être pour servir des clients dans un restaurant, leur amener leur repas, leur donner le café, leur donner la nourriture, leur donner les choses qu'ils veulent. Hein? Et elle sourit. Pourquoi? Parce qu'elle veut avoir le pourboire. Hein? Elle va servir avec le sourire, elle va être gentille avec les clients étrangers, des gens qu'elle connaît même pas. Et peut-être qu'eux, ils vont l'insulter, ils vont peut-être la dénigrer ou même hein, la regarder mal. Pour son mari, hein, elle n'est pas capable de faire la même chose. Si elle lui sert, elle lui sert avec des reproches. Si elle lui donne la nourriture, elle le donne à contre-cœur. Si elle fait le ménage, elle se plaint. Pourtant, si elle travaille ménagère dans une maison des gens étrangers ou dans une compagnie, elle fait le ménage, elle le fait, elle est contente. Ou bien elle le fait, même si elle n'est pas contente, elle le fait quand même parce qu'elle dit « Ah, je vais avoir mon salaire de l'argent ». Donc ça, là c'est à se poser la question, est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pour Allah ou bien je fais juste pour la dunya des choses. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et n'am wa lahu man'uha min irda'i waladiha min ghayrihi illa lid-darura. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah. On continuera le reste des différents points qui restent à expliquer par rapport à cette question au prochain cours inshallah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.